Quatrième partie. J'aime le tawhid et je déteste le shirk. Le message des prophètes, c'est le tawhid. Et le tawhid, c'est l'adoration d'Allah seul, sans n'adorer rien d'autre que lui. Et si les prophètes ont tous commencé par appeler leur peuple à cela, c'est parce que le tawhid est la chose la plus importante. Tous les prophètes ont fait ainsi, de Nuh jusqu'au dernier des prophètes, la meilleure des créatures qu'Allah ait créées, notre prophète à nous les musulmans. Connais-tu le nom de ce prophète? C'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a appelé son peuple au tawhid et leur a récité le Coran. Allah dit dans le Coran: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager des leurs qu'il leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils aient été auparavant dans un égarement évident. Tous les prophètes sont unis les uns aux autres par le même appel, le même message, le message du tawhid. Allah a envoyé pour chaque peuple un messager, et chaque messager était chargé d'appeler son peuple au tawhid. Adorez Allah seul, et n'adorez rien d'autre que lui. Voici ce que l'on appelle le tawhid de l'adoration. C'est pour cela qu'Allah nous a créés, comme nous l'avions dit au début de cette leçon. Et le fait de savoir qu'Allah est notre Seigneur à nous tous, qu'il est le Créateur de toutes choses, et qu'en vérité, toute chose appartient à Allah, et qu'il gère tout ce qui se passe dans l'univers, eh bien tout ceci est la croyance naturelle de tous les hommes. Même toi, tu crois déjà à tout cela, n'est-ce pas? Nous avons vu à travers les récits de ces prophètes que leurs peuples ne les ont pas rejetés à cause de la croyance qu'Allah était le Seigneur et le Créateur. Mais ils les ont rejetés pour une seule chose. Ils ne voulaient pas adorer Allah seul. Ces gens-là voulaient adorer d'autres choses en plus que Allah, comme les statues et d'autres choses inutiles qui ne pouvaient pourtant rien leur donner. Les prophètes leur ont expliqué que l'adoration doit être faite pour Allah et rien d'autre que lui. Même un ange, un prophète, un homme saint, un homme pieux, même toutes ces bonnes créatures que nous venons de citer, aucune d'entre elles ne mérite le droit d'être adorée. Seul Allah doit être adoré. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser ces hommes à commettre le shirk et adorer autre qu'Allah? C'est parce qu'ils croyaient que les statues pouvaient elles-mêmes demander à Allah ce dont ils avaient besoin. Mais comment ceci est-il possible? Puisqu'une statue, comme tu le sais, ça n'entend pas, ça ne parle pas, ça ne voit pas et ça ne bouge pas. C'est la même chose pour les pierres, les arbres ou les personnes mortes. Vraiment, c'est une chose impossible à croire. Si tu veux demander quelque chose à Allah, demande-lui directement. Tu n'as besoin de personne d'autre et tu n'as besoin de rien d'autre. Demande-lui juste ce que tu veux et il te le donnera, Inch'Allah. Allah dit dans le Coran: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et votre Seigneur dit: Appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Et sache, mon enfant, que Allah n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui expliquer ce dont les créatures ont besoin, ou pour l'informer de ce qu'il ne connaît pas. Car Allah connaît tout, entend tout, voit tout, et ceci tout le temps. Au moment où tu écoutes ce CD, ne crois-tu pas qu'Allah sait ce que tu fais, qu'il t'entend et qu'il te voit? Alors que les rois, et même les créatures les plus puissantes, ne savent même pas ce qui se cache derrière la porte de leur chambre, ou ce qui va leur arriver demain. Ils n'en savent rien. Ainsi, retiens bien que les créatures peuvent avoir besoin d'aide et de quelqu'un pour les aider. Mais Allah, lui, n'a besoin de personne et il n'a besoin d'aucune aide. Allah t'appelle à chaque instant. Lève tes mains. Tu trouveras qu'Allah répond à ta demande. Et il est capable de tout. Allah a dit dans son livre, le Coran, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Allah n'a pas besoin de nourriture. Et Allah n'a pas besoin de boisson. Il n'a pas besoin de dormir et il n'est jamais fatigué. Et c'est lui qui s'occupe de tout l'univers. Et rien ne peut être fait sans lui. Et c'est lui qui fait toutes choses. Allah dit dans le Coran: Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, disait à ses nobles compagnons de ne pas crier pour demander quelque chose à Allah. Parce qu'Allah n'est pas sourd et il n'est pas distrait. Allah entend tout et Allah sait tout. Donc, il n'a pas besoin que l'on crie pour qu'il nous écoute. Chut!